Bilan 9, page 180. Exercice 1. A. Bar, bal. B. Corps, col. C. Mère, mère. D. Fer, frère. E. Boule, boucle.